Ta basse est un peu faible. Tu m'entends là? Waouh, super, oui, ça y est. Alors je vais monter la basse, hein. Thank you. Denis ? Ouais, voilà un peu. Hein. Alors, chez moi, c'était décalé. Hein. Ouais, super. J'entends ta guitare, mais elle est décalée. Donc, qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour recaler nos... pour synchroniser les deux, tu vois. Là, tu m'entends toujours? Ah bon? Oui. Ah ouais. Oui. Oui, oui, oui, je suis là. Par contre, allô, allô? Tu entends ma voix déjà? Je sais pas. Dis-moi déjà si tu entends mon micro là, tu m'entends? Oui. Moi je suis là. Toi, tu m'entends? 1 2 1 2. Ah, tu m'entends. OK. Donc ça déjà c'est bon. Ouais. Allô, moi, allô, t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends là via le micro. Je sais pas si tu m'entends en fait. Et là tu m'entends peut-être? OK. Je change mes réglages ouais, de Focusrite. Hein, tu m'entends mieux là? Mais je sais pas comment faire pour parce qu'on est décalé, tu sais pas. Ah ouais. Moi je t'entends. J'entends ta voix avec un énorme écho. Oui oui, je t'entends. Ouais ouais, ouais franchement. Et là tu m'entends toi aussi? Je t'entends bien, je ouais. T'entends bien, je t'entends bien au niveau de la voix. Ah ouais, écoute, franchement, très bien. Hein. Et tu sais ce qui est génial, alors, c'est que je t'entends sur les haut-parleurs. J'ai même pas besoin de mettre le casque, tu vois. Et là, ça va mieux? Ouais, moi, je t'entends très bien. Et là, j'ai enlevé... Bon. Là, ça va mieux, la voix? Ce qu'on pourrait faire... Parce que là, j'ai mis les haut-parleurs, mais pas trop fort, tu vois, pour pas avoir de l'arsen. Bon, et d'accord. Maintenant, je vais donc, monter ça, un bon, peu les haut-parleurs voix, pour voir si ça te gêne, toi. Là, c'est bon, il n'y a plus d'écho, c'est bon? Ok. Et la basse, écoute ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, écoute. Okay. Parce que moi, je t'entends super bien. La guitare, ouais, j'ai super. Bien entendu. Elle est parfaite, chant. Là, c'est tout. Comme si tu étais dans la pièce. Ah ouais, j'entends. Hein, vraiment. C'est impec. Hein. Le signal est bon. Et la basse? Le signal est bon. Moi, j'entends tout, hein. Et moi, la guitare, ça allait? Tu ouais. Entendais? Regarde, attends, je te fais. Il n'y a rien du tout, c'est propre. Hein. Je vais baisser un mais peu le tac-à-tac, hein, là. J'ai l'impression d'être à côté. Hein. C'est impec au niveau du son, c'est impec. Ouais, ouais, très bien. La basse, impec. Ouais, c'est propre. Le seul truc, c'est pourquoi on est décalé. Bon. Écoute, c'est super. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est toi qui vas envoyer la piste de son. On est décalé, tu veux quoi. Ouais, c'est superbe. Il faut, David, il m'a dit, il faut démarrer ouais. Au zéro ouais, du ouais. Métronome, tu vois. Je sais pas. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Ouais. Bon, bah, ça, essayer. C'est déjà un super hein progrès. Hein. Alors. Prochaine étape, on va utiliser attends, une ouais. De tes boucles à toi, peut-être, si tu veux. J'essaye. J'essaye d'envoyer un truc et puis. Oui. Ouais. Et c'est. On a l'impression que tu jouais bon, carrément, tu d'envoyer, vois. Tout comme en face. Si tu étais sur un autre monde, tu vois, une autre piste, enfin. Oui. Okay. Et c'est peut-être essayer, ça le problème, hein. Oui. Est-ce que tu veux que je refasse un essai, là, de redémarrer sur le zéro? Bon, alors j'attends qu'il fasse le tour. Hein. Ah. Alors tu ça te méfies, pas, hein, parce que ça allait. Écoute, non, je. Oui, d'accord, c'est toi qui m'envoies. Oui, on okay. Peut réessayer. On réessaye. On réessaye et puis j'essaye de jouer. Oui, donc là je vais découvrir les accords, hein, Nicole. Là je suis absolument moi, pas préparé. Je vais mettre le métronome parce que je l'ai mis sous muet. Ouais. Mais c'est pas grave, dis-moi juste un peu les accords. Ou alors tu me laisses chercher les accords, ça t'embête pas si je cherche un peu, quoi. Mais tu veux que je t'envoie tout à face, c'est ça? Si, si. Non, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas les accords, tu vois, donc... Ça fait rien. Écoute, j'essaye de me greffer, hein, dessus. Je te les donne, les accords, attends. T'es prêt? Alors, c'est Do majeur. Et tu es réglé comment, au métronome, toi? Mais oui, moi aussi, je vais. C'est une petite boucle, tu fais. Parce que ce que moi, tu je veux. L'avais réglé déjà, sur 32-110. Bah écoute, oui, comme ça, on essaye un peu quand ça vient de ton côté, tu vois, quand c'est toi qui te fournis la piste son. Je te demande juste d'être indulgente. Ouais. D'accord. Parfait. Ouais, parfait. Bon, pour le moment, j'entends rien. Oui, tu fais les réglages. Super, je vois les réglages. La boucle. Ouais, super, là elle est synchronisée. Ce que je peux faire au niveau impro, je sais plus dans quel tonin on est là-dessus. Ouais, c'est cool. trop ta basse. Il y a Ton Wills qui rentre dedans. Yes. Ok, je vais la monter, hein. Ton Wills qui rentre dans le salon. Thank you. Thank you. Thank you.